إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ce cours est donc un réenregistrement du cours 16 de la série de cours de l'explication du livre de Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le noble Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala. Et c'est un cours qu'on avait perdu et qu'on a décidé de réenregistrer. Et pour ce cours numéro 16, on est arrivé au chapitre sur la récitation, al-qira'ah. Et donc Cheikh l'Albani rahimahullah, il dit: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. Donc la parole de Cheikh l'Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est puis il, c'est-à-dire le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, cherchait protection auprès d'Allah le Très-Haut en disant A'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Donc je cherche protection auprès d'Allah contre Satan, le lapidé, contre ses insufflations, son inspiration et sa tentation. Et parfois il disait alayhi salatu wassalam A'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Donc je cherche protection auprès d'Allah l'audient, le très savant, contre Satan, le lapidé, contre ses insufflations, son inspiration et sa tentation. Puis il prononçait, alayhi salatu wassalam, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et il le disait à voix basse. L'explication de Cheikh Bazmoul, hafidahullahu ta'ala, il dit tout d'abord, le premier point, المسألة الأولى. من الواجب على المسلم إذا ما أراد قراءة القرآن أن يبدأ بالاستعاذة، امتثالا لما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة النحل. قال أهل العلم: فهذه الآية معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن فابدأ بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فما كان يقرأ القرآن في الصلاة أو في خارج الصلاة للتلاوة إلا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. Le premier point tiré de cette explication de Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala par rapport à ce chapitre qui se consacre à étudier le point de la récitation, il dit le premier point c'est qu'il est obligatoire aux musulmans, lorsqu'il veut réciter le Coran, de commencer par al-isti'adha. Et ce en mise en application du verset du Coran dont la traduction du sens est « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni » Surat An-Nahl, verset 98. C'est donc ça qu'on appelle l'isti'adha, c'est de demander la protection d'Allah. Si tu veux lire le Coran, le shir dit « Commence en faisant l'isti'adha, c'est-à-dire en cherchant protection auprès d'Allah contre Satan. » Et le messager, ou en demandant protection à Allah contre Satan. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était le Coran. Et il ne lisait le Coran, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, sans qu'il ne demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Deuxième point, Cheikh il dit, al-mas'alatu thaniya, ma hiya sighat al-isti'adha. الثابت من صيغ الاستعادة التالي الصيغة الأولى وردت في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الآية السابقة الصيغة الثانية وردت كذلك في القرآن العظيم في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سورة فصلت وهذه لم ترد في القراءة لكن عمومها يشملها والله أعلم والصيغة الثالثة وردت في السنة وذكرها المصنف رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الصيغة الرابعة وردت كذلك في السنة وذكرها المصنف رحمه الله تعالى أي شيخ الألباني رحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه Donc le deuxième point tiré de ce chapitre sur l'arrestation avec l'explication de Cheikh Bezmoul hafidahullah ta'ala, c'est quelle est la formulation de cette isti'ada, de cette demande de protection à Allah. Ce qui était rapporté comme formulation authentique de l'isti'ada, de manière authentique, c'est la première, celle qui est citée dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, comme dans le verset que l'on a cité précédemment. La deuxième, c'est-à-dire la deuxième formulation, elle a également été citée dans le Coran, dans le verset وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُورَةُ فُصِّلَتْ Dans la traduction du sens est « Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. » Sourate Fussilat, verset 36. Cette formulation ici n'a pas été rapportée en ce qui concerne la lecture, mais la généralité du texte l'englobe, le comprend et Allah est le plus savant. Troisième formulation, parmi les formulations que Cheikh rapporte, il dit « Elle a été rapportée dans la sunna et l'auteur, qui est Cheikh l'Albani, rahimahullah, l'a rapportée en disant « A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih » Comme le Cheikh a dit ici « wa nafkhihi wa nafthih » La quatrième, elle a été également rapportée dans la sunna et citée par l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde et c'est A'udhu billahi samil alim. Donc la première, je répète pour la troisième ici, c'était A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Donc je répète encore une fois A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Et la quatrième formulation, il dit, elle a également été rapportée dans la sunna et citée par l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde et c'est أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Troisième point, المسألة الثالثة, c'est-à-dire parmi les points tirés de ce chapitre, الاستعادة تقال سرا ولا تقال جهرا. لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين الجهر بالاستعادة في الصلاة وكذا في القراءة خارج الصلاة فإنك تستعيد في نفسك ولا تجهر بالاستعادة. Troisième point tiré de ce chapitre, eh bien, c'est que l'isti'adha, c'est la demande de protection à Allah subhanahu wa ta'ala, se fait à voix basse. Se fait à voix basse et pas à voix haute. Il n'a été rapporté ni du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ni des tabi'oun. Hein, c'est-à-dire ceux qui ont rencontré les compagnons. Qu'ils ont dit l'isti'adha à voix haute dans la prière. Et également dans la lecture en dehors de la prière. Tu fais l'isti'ada en toi et tu ne la fais pas à voix haute. Quatrième point. المسألة الرابعة. هل يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ أقول اختلف أهل العلم في الجهر بالبسملة في الصلاة. فمنهم من قال يجهر بها وهو قول الشافعية ومنهم من قال لا يجهر بها وهو قول الجمهور. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد طبعة الشاملة المجد الأول وكان صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال. حتى وبين سيسي ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. انتهى كلامه رحمه الله. On va s'arrêter ici déjà pour traduire cette première partie. Et donc, le quatrième point, c'est la question, doit-on dire « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » à voix haute? Les savants ont divergé sur le fait de le dire, ou de la dire, ce qu'on appelle la basmala, le fait de dire « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » à voix haute dans la prière. Certains d'entre eux ont dit, on la lit à voix haute, et c'est l'avis des Shafi'ites, du madhab l'imam Shafi'i. D'autres ont dit, on la lit à voix basse, et c'est l'avis du Jumhur. Ibn al-Qayyim, ou si vous voulez de la majorité des savants, Ibn al-Qayyim al-Jawziya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Zad al-Ma'ad, volume 1, page 197, édition Shamila, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait la basmala à voix haute parfois, et à voix basse plus qu'il ne le faisait à voix haute. Il n'y a aucun doute sur le fait que s'il lisait toujours à voix haute, chaque jour et nuit, cinq fois en résidence et en voyage, que cela ne serait pas resté inconnu des califes bien guidés et à la majorité des compagnons et les gens de son pays parmi les générations nobles. Ceci fait partie des choses les plus impossibles, à tel point qu'ils se doivent de se cramponner à ce sujet, à des formulations générales et à des hadiths faibles. Les hadiths à ce sujet, qui sont authentiques, ne sont pas explicites. Et ceux qui sont explicites ne sont pas authentiques. Et ce sujet mérite d'être traité dans un gros volume. Et c'est la fin de citation de la parole de Bilqayyim rahimahullah ta'ala dans Al-Ma'ad. On continue ce point-là. وذهب أبو شامة في كتاب البسملة الكبير له إلى أنه يشرع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا، وقرر ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يجهر بها في الصلاة. وعليه نقول هذا الصحابي ما جهر بالبسملة إلا عن أصل علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعل الصحابي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم جهر بها، ومن أسر بها دل على أنه لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بها، والسنة في الاثنين وليست في أحدهما، فيسن الجهر بالبسملة أحيانا والإسرار بها غالبا، لأن أكثر الأحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، ولو أن الإنسان جهر بالبسملة لتعليم الناس أحيانا وكان غالب حاله الإسرار فيه قد وافق بذلك السنة. ولخص المصنف ما تقدم في الصلب في قوله في تلخيص الصلاة ثم ذكر التلخيص. Donc ici, pour finir ce quatrième point, Abu Shama dit dans son grand livre de la Besmala a l'avis que il faut toujours la dire à voix haute, cette Besmala, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a utilisé comme preuve les afar, les textes rapportés de certains compagnons, des paroles de certains compagnons qu'il a lisé à voix haute dans la prière. En se basant là-dessus, nous disons, ce compagnon n'a dit la besmala à voix haute que pour un fondement qu'il a su du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'acte du compagnon est une preuve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à voix haute. Et celui qui l'a dit à voix basse, ceci indique qu'il n'a pas entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la dire à voix haute. Et la sunna est de faire les deux et pas qu'une des deux manières. La sunna, c'est de dire la besmala parfois à voix haute et en majorité, ou bien la plupart du temps, à voix basse. Car la majorité des hadiths à ce sujet montrent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le disait à voix basse. Si l'individu l'a dit à voix haute, parfois, pour enseigner aux gens, alors qu'en général il l'a dit à voix basse, il aura alors été conforme à la sunna. Puis il dit que l'auteur, qui est Sheikh Al-Albani rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a résumé ce qui a précédé dans son résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'avais dit dans le tout premier cours, ici c'est le numéro 16, On avait dit tout le premier cours, et pour ceux qui n'ont pas entendu, ils peuvent se référer au premier audio. On avait fait tout un dars sur les éditions, etc. Et les différentes éditions, et les différents livres que Cheikh Al-Albani rahmahoullah a écrit sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait fait référence à une version qui est la plus résumée, qui est ce qu'on appelle talkhis. Sifat salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à ça qu'il fait référence ici. Et Cheikh, il a, Al-Albani rahmahoullah, il a résumé ces points qui ont précédé de la manière suivante, en disant: ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. Premier point tiré de ce résumé fait par Cheikh Al-Albani lui-même rahimahullah ta'ala, c'est qu'il commence sa lecture par des invocations rapportées de manière authentique du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont nombreuses, dont la plus connue est سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. L'ordre à ce sujet a été rapporté de manière authentique. Il convient donc de persister et de préserver cela. Deuxième point, ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. Deuxième point, c'est puis il cherche protection ou il demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala de manière obligatoire. Celui qui délaisse cela est en état de péché. Troisième point, والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والنف هنا الشعر المذموم. Troisième point, la sunna est de dire parfois أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, et النف ici c'est la poésie qui est condamnable, blâmable. Quatrième point, وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إلى آخره الكلام, et de parfois dire a'udhu billah as-sami' al-alim min ash-shaytan jusqu'à la fin de l'isti'ada qu'on a déjà rapporté. Cinquième point, ثم يقول سرا في الجهريه والسريه بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلام شيخ ناصر رحمه الله عليه. Puis de dire à voix basse dans la prière à voix basse sirriya et la prière à voix haute al-jahriya, de dire à voix basse بسم الله الرحمن الرحيم. Et ça, c'est la parole du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. On a rapporté déjà qu'est-ce que Cheikh Bazmoul dit à ce niveau-là. Et il y a d'autres savants qui l'ont dit aussi, comme Cheikh Najmi, rahmatullah alayh, qui a une risala d'ailleurs consacrée à ce sujet-là. Et donc, c'est la fin de citation de Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense par Al-Firdaus Al-A'la. Avec ça, on a fini ce chapitre sur la récitation. Chapitre suivant, Rukniyatul Fatiha wa Fada'iluha. Chapitre suivant, c'est Al-Qira'atu Ayatan Ayatan. C'est le fait de la récitation verset par verset. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit: Thumma yaqra'u al-Fatiha wa yaqta'uha Ayatan Ayatan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thumma yaqifu thumma yaqul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma yaqifu thumma yaqul Ar-Rahmanir Rahim. ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين. Chapitre suivant, comme on a dit, qui a pour titre la récitation verset par verset. Puis il, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et là on est toujours dans la parole de Cheikh Al-Albani qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il récitait la sourate Al-Fatiha verset par verset. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'arrêtait puis il disait الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il s'arrêtait puis il disait الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'arrêtait puis il disait مالك يوم الدين. Maître Malik du jour de la rétribution. Ainsi, jusqu'à la fin de la sourate, toute sa récitation se faisait de cette façon. Il s'arrêtait, alayhi salatu wassalam, au début de chaque verset et n'enchaînait pas avec le suivant. Parfois, il récitait, donc au lieu de dire « Maliki yawmiddin », il disait, alayhi salatu wassalam, « Maliki yawmiddin ». Maliki, c'est-à-dire qu'on n'allonge pas le A. Hein? Maliki, Maliki yawmiddin. شيخ بزمول حفظه الله تعالى ليكسبليك سو شابيتر ان ديزون. هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بصفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن قراءة مفصلة آية آية، ويتمثل قول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. والعلماء رحمهم الله يسمون ما جاء في هذا الحديث بوقف السنة، وذلك لأن علماء القراءات من العلوم التي يبحثونها علم الوقف والابتداء، يراعون في هذا العلم معاني الآيات، فيحدون مواضع الوقوف ومواضع الابتداء، ويعطون أحكاما لكل موضع للوقف. وفي هذا الحديث بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف عند آخر كل آية، سواء ارتبط معناها بما بعدها أم لم يرتبط، وهذا عند علماء مقيد بالوقف على رؤوس الآي الذي لا يبطل المعنى ولا يحيله عن وجهه. أما إذا كان الوقف يحيل المعنى عن وجهه فإنه ويحيل المعنى عن وجهه فإنه وقف غير محبوب، وليس هو من السنة عند العلماء. في هذا الحديث أم سلمة تقول يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. فهذا صفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة مفصلة، يقرأ آية آية. وهكذا على المسلم أن يحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة، التي هي تطبيق لقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، فيقف على كل آية حتى ولو ارتبطت بالآية التي تليها، ما لم يكن في هذا الوقف ما يبطل المعنى ويحيله عن وجهه. وقد نبه على هذا علماء القراءات أمثال جمال الدين السخاوي وأمثال أبي عمرو الداني وابن الجزري وغيره من العلماء. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى ورود قراءة في سورة الفاتحة في قوله مالك يوم الدين، أنه كان صلى الله عليه وسلم تارة يقرأها ملكي، وهذه القراءة متواترة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجزري رحمه الله في كتابه تحبير التيسير في القراءات العشر عند فرش الحروف في سورة الفاتحة، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف مالك بالألف، وقرأ الباقون بغير ألف. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى كلام الشيخ بزمول حفظه الله تعالى. Donc ce chapitre qui se consacre à étudier l'arrestation du prophète عليه الصلاة والسلام verset par verset, Cheikh Bezmoul explique cela en disant حفظه الله تعالى: ce chapitre de l'auteur concerne la manière de lire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il récitait le Coran verset par verset, en application du verset dont la traduction du sens est « Il récite le Coran lentement et clairement » sur le Muzammil verset 4. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, appellent ce qui a été rapporté dans ce hadith « waqfu sunnah », c'est-à-dire l'arrêt de la sunnah. C'est-à-dire comment s'arrêter dans la qira'a et comme c'est rapporté dans la sunnah. Car les savants des lectures, des sciences, qui étudient la science de l'arrêt et du commencement, donnent un jugement à chacun des arrêts. Ils donnent, dans cette science, des jugements pour chaque arrêt. Il y a dans ce hadith, donc on a dit, il donne un jugement à chacun des arrêts. Et il y a dans ce hadith une mise en évidence que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait à la fin de chaque verset, que le verset qui lui suit y soit lié par le sens ou pas. Ceci est conditionné chez les savants par l'arrêt à la fin des versets qui ne va pas à l'encontre du sens. C'est-à-dire ne change pas le sens du verset. Car si c'est le cas, alors ce n'est pas un arrêt souhaité. C'est-à-dire que si on s'arrête, et qu'en s'arrêtant, avant de commencer l'autre verset, eh bien que ça change le sens, eh bien cela est un arrêt qui n'est pas souhaité. Et il ne fait pas partie de la sunna chez les savants. Dans ce hadith, Salama dit, il lisait, alayhi salatu wa salam, الحمد لله رب العالمين. في صيغة عليه الصلاة والسلام في ليزي الرحمن الرحيم. في صيغة في ليزي عليه الصلاة والسلام مالك يوم الدين. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la sourate, c'est-à-dire sourate al-Fatiha. Ceci était la manière de lire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une lecture verset par verset. Le musulman se doit de s'attacher à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa récitation, qui est la mise en application du verset dont le sens est, ou dans la traduction du sens est, et récite le Coran lentement et clairement. Il s'arrête donc à chaque verset, même si le verset est lié à celui qui le suit, à condition qu'il n'y a pas dans cet arrêt le fait d'aller à l'encontre du sens, comme on l'a déjà dit, et de changer le sens. Les savants des lectures du Coran ont attiré l'attention là-dessus, comme Jamal al-Din al-Sakhawi et Abu Amr al-Dani et Ibn al-Jazari et d'autres parmi les savants. Puis l'auteur qui est Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a attiré l'attention sur une lecture qui a été rapportée d'Al-Fatiha. Il y a plusieurs manières de lire. Eh bien, une des lectures qui a été rapportée de lire sur Al-Fatiha en disant Maliki Yawmiddin. C'est-à-dire avec un allongement. Maliki Yawmiddin. Et il lisait parfois, alayhi salatu wassalam, Maliki. C'est-à-dire sans cet allongement. Et cette lecture a été rapportée de manière authentique et avec ce qu'on appelle Tawatur. Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a traduit sur notre site spfbirmingham.com une définition de Cheikh Mohsen Al-Abbad et d'Abd Karim Mourad, rahimahumullah wa hafid al-Cheikh Al-Abbad, de ce qu'est le hadith mutawatir. Donc si vous voulez savoir c'est quoi le tawatur, revenez sur notre site, on a déjà traduit une définition de ce qu'est le tawatur. Et sachant aussi qu'on parle de le Coran. Ibn al-Jazari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Tahbir al-Taysir fi al-Qira'at al-Ashr, en ce qui concerne les lettres dans Sourate al-Fatiha, Asim al-Kisa'i et Ya'qub et Khalaf ont lu Malik avec le Alif. Et le reste des lecteurs a lu sans le Alif, c'est-à-dire Maliki. Fin du citation de Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense par al-Firdaus al-A'la. Et on va s'arrêter là-dessus pour cet enregistrement. Il restera à faire peut-être Rukniyat al-Fatiha wa Fada'iluha, c'est-à-dire la récitation de la Fatiha est un pilier et les préséances de Sourate al-Fatiha. Et on pourra peut-être éventuellement l'enregistrer sous le numéro 16 bis ou bien 16.2 si vous voulez, sur notre site spfbirmingham.com. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.